B. B ou P. 1. Beurre. Peur. 2. Poids. Bois. 3. Bas. Bas. 4. Broche. Proche. 5. Plomb. Plomb. 6. Pierre. Bière.